tel bon temps, l'amour et la suite, y avait dans le ciel un petit bout de soleil, juste ce qu'il fallait pour que ça fasse plus vrai. Y avait des jupons qui tournaient en rond, et puis des chansons dans le cœur des garçons. Y avait des promesses dans les rues de la ville, des millions de caresses dans les yeux des filles. Moi j'étais là comme un coq de village, je lissais mes plumes, j'attendais l'abordage. Laissez-moi vous dire, j'étais un petit dur, quand je l'ai vu sourire, j'avais plus d'armure, plus de bouclier. Pour me protéger, rien que ma petite gapette, sur mes roues plaquettes, je sentais des ailes qui me poussaient dans le dos. Et sous mes bretelles, j'avais froid et chaud, j'ai reçu ce jour un sacré coup de foudre, pour une gueule d'amour, sans phare et sans poudre. Il faut se couvrir quand tu vas te balader, un coup de printemps et tu es arrivé. Laissez-moi vous dire, j'étais un petit dur, quand je l'ai vu sourire, j'avais plus d'armure, plus de bouclier. Pour me protéger, avec ma petite gapette, je me suis flaqué. Moi qui étais venu faire le joli cœur, là que je pars en guerre comme un vrai dragueur, là que je lève une tête toute mince et toute brune, là que mon cœur chancelle, c'est la fin du monde. Moi qui étais venu faire le joli cœur, là que je pars en guerre comme un vrai dragueur. Il faut se méfier des slogans imprimés, tous les souliers ne chaussent pas le même pied. Ça fait 40 ans qu'on est mariés, regarde comment elle m'a transformé. La gâteau, pour gagner le pain, la viande et le vin, la vie c'est pas rien. Tu es une fille, et craque, tu deviens un chef de famille, un chef sans galon, sans sol ni pension, toujours au charbon, comme dans la Légion. Alors quand j'ai la nostalgie en tête, je le rouge, ce petit vermusette, ça sent tellement temps, la gaufre et la frite, mais de ce temps-là, j'en ai bien profité. Ça sent tellement temps, la gaufre et la frite, mais de ce temps-là, j'en ai bien profité.